avait ordonné au prophète Jonas d'aller jusqu'à Ninive porter la bonne parole et de dire à sa place à tous les habitants que leur âme était folle et qu'ils devaient changer. Mais Jonas était faible et ce pays très loin. Alors il décida de lui désobéir et par un beau matin, montant sur un navire, comme simple marin, il préféra s'enfuir. Pardonne-moi Seigneur, mais la peur est plus forte. Les remords de mon cœur que le vent les emporte. Pardonne-moi Seigneur, je ne suis pas capable d'en revenir vainqueur et je me sens coupable. Pardonne-moi Seigneur, mais la peur est plus forte. Mais voilà que soudain se lève la tempête, le bateau va couler, l'équipage s'inquiète. Quelle est cette vengeance qui leur porte malheur? Et tous cherchent des yeux, d'où viendra leur sauveur? La faute de Jonas, et lui seul le sait bien. Le voilà qui décide de mourir à leur place. Et sautant du bateau, basculant dans le vide, il leur offre sa vie pour apaiser les flots. Accorde-moi, Seigneur, que ma peur soit moins forte. Les nuages de mon cœur, que ta voix les emporte. Accorde-moi, Seigneur, de me sentir capable. Voici venir mon heure, je suis le seul coupable. Accorde-moi, Seigneur, que ma peur soit moins forte. Alors de l'océan, surgissant de la nuit, une énorme baleine vint s'approcher de lui. Et il se retrouva, comme par enchantement, à l'abri dans le ventre de l'animal géant. Il chanta des louanges en remerciant le ciel. Et quelques jours plus tard, sur le bord d'une plage, la bête le laissa partir pour le voyage. Au début de l'histoire, Dieu lui avait confié: c'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai vaincu ma peur. J'ai de nouveau ton nom tout au fond de mon cœur. C'est grâce à toi, Seigneur, qu'en homme véritable, tu m'as rendu capable de revenir vainqueur. C'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai vaincu ma peur.